Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Le propriétaire des magasins Sport Expert de Robertval et de Dolbeau-Mistassini, M. Stéphane Leroyer, souhaite un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et remercie la clientèle qui l'a encouragé tout au long de l'année qui se termine. Soyez prudents et amusez-vous avec vos proches. Sport Expert à Dolbeau-Mistassini et Robertval au numéro de téléphone 418-276-3010 ou encore le 275-3744. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nos proches. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2022. C'est la rétrospective du hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, j'ai choisi mon événement sportif de l'année. Puis écoute, tu sais, je suis pas qu'un amateur de hockey, je suis un amateur de pas mal tous les sports. Là. Puis pas le choix, là, le Canadien, c'est number one, devant l'équipe canadienne de soccer qui va fort probablement nous représenter à la Coupe du Monde l'an prochain. Ça va être malade, mais que ça arrive. Mais les Canadiens, ce qu'ils ont fait cette année, ben, c'est number one. Tu veux que je te dise, qui aurait prédit ça en finale de la Coupe Stanley? Il n'y a pas personne. La preuve, Marc Bergevin, non, ça c'est l'autre année, ça. Tu sais, je veux dire, Carey Price était dominant. Là. Enfin, là. Moi, je suis pas un grand fan de Carey Price. Je disais qu'il avait une réputation surfaite, là. Mais il a prouvé hors de tout doute que là, il était le gardien de but de concession qu'il devait être. En tout cas, en série éliminatoire l'an passé, là. Ouais, ben c'est sûr que, écoute, c'est exceptionnel ce que le Canadien a accompli l'année passée. Se rendre en finale de la Coupe Stanley, là, il n'y a pas un expert en début d'année qui ont été à Vegas et qui ont mis un vieux 2 sur le Canadien pour gagner la Coupe Stanley. Ils ne l'ont pas gagné non plus, mais si tu avais dit les deux équipes finalistes pour la Coupe Stanley, si tu avais dit Tampa Bay contre Montréal. Ouais, personne ne veut voir, ça ne marche pas au départ parce que Tampa Bay, ils sont dans l'Est normalement. Ouais. Ouais, non, mais tu veux dire, ouais, t'aimes pas bien, t'aurais pu gager sur eux autres, oui. Là, mais contre le Canadien en finale, c'était pas prévu. Alors, oui, chapeau, mais je trouve que, tu sais, on a eu des belles choses quand même cette année quand tu regardes ça dans le sport pour le Canadien. Tu sais, tu regardes le tennis, là, c'était une belle année pour nos tennis féminins et masculins. Ouais. Au Canada, au Québec. C'est l'équipe canadienne de soccer. Je ne sais pas si tu suis soccer, mais oui, on est à 40, ça va recommencer en janvier, mais on est très près d'une première participation à 40 ans à la Coupe du monde de soccer. Puis on sera pas un figurant. Là. On va être... on a des chances de gagner un match. Fait que ça, mais le Canadien est en avant de tout le monde. Je pense que c'est mon opinion. Là. Oui. Mais moi je suis encouragé par... par des Canadiens dans le sport qui commencent à faire leur place où ce qu'on n'aurait jamais pensé. Regarde le basketball. Là. On a des joueurs canadiens qui sont rendus dans la NBA. Ben, Bénédicte Mathurin, que là, Yardès en a parlé un matin, là, qui est un Québécois, va être choisi probablement dans les 10 premiers au prochain repêchage. Il est plus 5, 6, 8, 9, tu comprends? Oui. Fait que, regarde, c'est vraiment le fun. Oui, fait que tu regardes le tennis, tu sais, le baseball, on a. Ouais. Le basketball, on a. Tu sais, notre sport national, nous autres, c'est le hockey. Fait que, on parle toujours du hockey, les Canadiens, les Québécois qui sont dans le monde du hockey. Mais quand tu regardes d'autres sports comme ça, puis que tu vois qu'il y a de plus en plus de Canadiens et de Québécois, tu sais, qui font leur place, là, c'est le fun en maudit, là. Alors, c'est quand même encourageant. Tu sais, aux Olympiques, quand tu regardes les athlètes qui gagnent des médailles, on a de plus en plus de médailles canadiennes puis de plus en plus de médailles québécoises. Alors, c'est le fun. Le patinage de vitesse, on fait bonne figure là-dedans. Alors, c'est très, très positif de ce côté-là. Mais effectivement, quand on regarde l'événement de l'année passée, on ne peut pas passer à côté du Canadien. Ah non, c'est clair. Donc, Canadien, la division canadienne, mais il faut dire, écoute, j'ai été le premier à le mentionner, Marc, S'ils sont pas dans la Ligue canadienne, on oublie ça. Ils sont même pas des séries. Ouais, ouais, mais tu sais. Mais ils étaient là. Ils ont battu Vegas pareil, puis il faut pas leur enlever ça. T'sais, Vegas, c'était extraordinaire lorsque. Ben, Toronto. Toronto, Winnipeg, Vegas, c'était pas des petites équipes, là. Tu sais. Hey, Marc, t'as-tu écouté la série All Nothing sur Amazon, sur les Leafs de Toronto? Non. C'est un peu ce que Amazon a tourné une série. Il me reste un épisode, puis c'est contre la série, contre les Canadiens. J'ai hâte de voir. Mais tu vois toutes les... je change complètement de sujet, là. Mais tu vois tout ce qui se passe dans la coulisse, dans une équipe de hockey. La transaction, ce qui peut se passer dans un showroom, la date limite d'un échange. On voit quand Kyle Dubas est allé chercher Nick Foligno, les négociations qu'il y a eu, l'équipe qui demandait ça. C'est vraiment extraordinaire. Puis il me reste un épisode, puis c'est contre la série contre Toronto. Du Canadien-Toronto. J'ai hâte de voir ça. Si John Tavares n'est pas blessé, ce que le Canadien passe Toronto, on ne saura jamais. Là, mais ça a changé complètement la donne. Là. Ouais, mais si, c'est ouais, ça. Avec qui on va à Paris. Hein. Ouais. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois bon pour te rendre loin, mais il faut que tu sois chanceux aussi, si on se le cachera pas. Tu sais, Scheifele, on peut dire la même affaire, là, chose à Winnipeg, il leur a manqué une couple de joueurs aussi à Toronto, mais Price était dominant quand même, là, même si on dira ce qu'on voudra à partir du match numéro 5 en Toronto, c'est la raison pourquoi le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. C'est pas la raison les autres équipes qui ont manqué un joueur, qui ont mal joué, là, c'est Price qui a été complètement dominant, et puis ça, il faut le reconnaître. OK. Y a-t-il d'autres choses qui t'a allumé aussi? Non, mais c'est en général... C'est l'éclosion de chez le Canadien, l'éclosion un petit peu de Suzuki. Cole Caulfield qui est arrivé quasiment comme si c'était Guy Lafleur, puis là, on voit qu'à quelque part... Canadien cette année, ben, le kid a beaucoup de choses à apprendre aussi. Le congédiement de Marc Bergevin, on pense quoi là de ça? Ben, écoute, Danny, regarde, sais-tu quoi? Ça démontre une chose, c'est que dans le sport, là, tu peux être si près de gagner le gros trophée et en même temps être si loin si tu réussis pas à l'accomplir. Dans le sens que, regarde, les Canadiens sont passés près l'année passée, là, mais regarde ce qu'ils sont rendus cette année par rapport à ce qu'ils ont accompli l'année passée. C'est comme si tu avais viré ça à l'envers complètement. Alors, tu sais, des fois, quand on dit d'une opportunité, là, des fois, elle peut juste passer une fois dans ta vie. Puis si tu la manques, là, peut-être que ça reviendra plus jamais. Alors, les Canadiens, on s'entend-tu que présentement sont loin en tabarouette de se rendre en finale de la Coupe Stanley? Là? Non, c'est clair, c'est clair. Puis pourtant, ils l'ont fait l'année passée. Alors là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu sais, Marc Bergevin, là, tu t'attendais pas à ça. Là, l'année passée, on aurait été prêt à y donner 10 ans de contrat à la fin de la saison. N'importe quel amateur, tu aurais demandé, il aurait dit, signe-moi ça, 3 copies solides, 10 ans pour Marc Bergevin. Puis là, il est même plus avec le Canadien. Alors, ça change tellement vite dans le sport. Moi, Marc, j'étais content pour Marc Bergevin. Parce que le gars, c'est une bonne... C'est vraiment une bonne personne. C'est quoi, s'il est chum avec Marc Fortier, il faut que c'est une bonne personne. Fait que, non, mais c'est ça que j'ai dit à un de mes amis que tu connais bien, là, que Junior Gino. Mais il faut faire la distinction entre les deux. Marc Bergevin, là, comme directeur général, quand j'entends dire le monde, hey, il a fait tout qu'une job, m'excuse, là. Moi, je donne 3,5 sur 10, les 10 ans qu'il était là. Le gars, les contrats qu'il a fait signer à des gars comme Gallagher, à Carey Price, qui sont quasiment pognés avec, ça fait 5 ans que le Canadien fait pas une série, s'il n'y a pas de COVID. Le club ferme qui a rien d'un mineur. Tu peux pas donner un 6 et un 7. Le gars va se trouver une job. Je suis convaincu qu'il va revenir comme directeur général parce que c'est un country club, les directeurs généraux dans la Ligue nationale. Et il est très près de Pat Brisson. Mais si tu regardes ça comme le travail fait, je pense que j'ai des bons arguments pour dire 3,5. Ben moi, je suis pas d'accord avec toi. Okay. C'est ton opinion, puis c'est correct. C'est bien correct. Mais il faut que tu regardes ça. Tu sais, l'homme, il faut que tu aies été directeur gérant. Ben, c'est sûr, mais moi, je pour pouvoir évaluer un directeur gérant. Ouais. Tu sais, ton affaire de Gallagher, là, tu penses-tu que ça n'arrive pas dans les autres équipes? Ouais. Ça, qui doit... Chose là, qui a fait la grève à Toronto, là, Nylander, à un moment donné, là. Ils l'ont toffé. Ils se sont fait lancer des tomates parce qu'ils l'ont toffé. Là, ils l'ont signé. Ils l'ont pas signé à rabais, là, Nylander, là. Mais là, Nylander, il faut y donner. Il livre quand même la marchandise. Mais c'est des gros cristis de contrat. Si Nylander n'avait pas produit, là, on aurait dit, regarde, Toronto, se sont épais, ils ont donné un gros contrat à lui et tout. Ça ne marche pas de même parce que le marché d'Annie, là, quand il y a. Comme Carey Price, il n'y avait pas le choix. Comme Carey Price, je pense que Los Angeles, c'est aussi qu'ils ont fait un bon coup de signer Dano à 5,5. Ben, je m'excuse là-dessus. Canadien manquait beaucoup de Dano, il y a trop de blessures, là, on va se le dire, là, c'est pas une Dano qui manque au Canadien, là. Mais même club en santé, là, Dano, les Canadiens, début de la saison, Dano, il y avait bien des statistiques, les Canadiens étaient dans le premier tiers, puis là avec Dano, comme les mises au jeu, comme les désavantages numériques, là sans Dano, ils sont dans le dernier tiers, là c'est sûr qu'il y a trop de blessés, c'est un peu... Fait que toi tu dis que Gallagher ça vaut pas qu'est-ce qu'il donne, mais Dano parce qu'il est bon dans les mises au jeu... C'est pas le même type de joueur, Gallagher est un petit joueur qui est appelé à probablement avoir une courte carrière parce qu'il a joué toute... Fait que Dano c'est un gros joueur ça, il gros. Non mais il joue pas le même style de hockey. Ouais mais là je te parle de salaire, toi tu parles de salaire au gars. Toi, tu dis que Marc Bergevin, il est pas bon parce qu'il a donné un gros contrat à Gallagher. C'est ça que tu dis? Oui, ben, pas une Gallagher, Carey Price. Mais Carey Price, il avait comme pas le choix, là. On va se le dire. Bref. Ben là, ben, c'est ça, Danny. Il faut que ton argument, moi, je suis d'accord de partager ton argument. Ouais. Mais il faut que tu sois... cohérent. Mais moi, je te ben dis oui, que, là, je te dis que Gallagher, il jouera pas jusqu'à 35 ans. Il sera pas dominant jusqu'à 35 ans à cause du type de hockey qu'il a fait. C'est un petit joueur qui a joué robuste toute sa carrière. C'est ce genre de joueur-là fait pas de longue carrière. T'es d'accord? Oui, mais quand il l'a signé, là, ouais. Il venait de connaître, admettons, une grosse saison. Il a marqué 30 buts. Ouais. C'était ton guerrier. C'était un bon leader. C'est un gars... C'est sûr que 2-3 ans plus tard, tu regardes ça, tu te dis c'est de la merde parce que le gars, il a pas aussi bien performé après. Mais dans le moment, là, c'est ton joueur, c'est ton courageux dans ton équipe, c'est ton gars qui travaille, c'est ton gars qui vient de te faire 30 buts. Le marché était là à ce moment-là de le signer. Est-ce que c'est une bonne décision? Aujourd'hui, on peut dire que non. Mais au moment où ça se passe, Danny, c'est pas vrai là, qu'il a pris une mauvaise décision. S'il l'avait laissé partir ailleurs, mettons qu'il laisse partir, t'as un exemple. Puis il s'en va à, je sais pas moi, à Toronto ou à Boston. Puis que le gars, là, il marche au bout là-bas, puis que ça produit, il performe, il mange les bandes, puis il vient hanter le Canadien. Après, on aurait dit, yeah, on l'avait dans notre cour, on l'a laissé passer, puis parce qu'on voulait pas le payer, puis garde le gars. Tu sais, tu comprends-tu? Oui. Fait que c'est facile, ça, Danny, après Gérard Destrade, de dire Marc Bergevin, il a fait une mauvaise job. Mais moi, je trouve pas qu'il a fait une mauvaise job. Moi, je trouve qu'il a fait des mots, il a pris des décisions qui sont discutables, OK? Mais quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, moi, je trouve que Marc Bergevin, il a fait quand même une bonne job. Si tu regardes, les gars sont allés chercher. Puis t'es capable de différencier entre le chum que t'es... Puis ça, tu sais, t'es capable. Ben, puis tu l'as déjà dit, tu l'as dit, je suis bien chum avec Marc. Tu m'en rappelles très bien d'une entrevue que tu as faite l'année passée, mais je pense qu'il est peut-être. Je suis un ami de Marc Bergevin. Tu m'en rappelles, tu l'as dit. Donc, t'es capable de faire la part des choses entre les deux, toi. Oui, je suis capable de dire quand que. Tu sais, moi, là, je pense que. Je te donne un exemple. Jonathan Drouin, je pense, que c'était une mauvaise décision. Pour qu'est-ce que tu as donné. Mais lui, il arrivait, il avait la pression du monde. Il y a un Québécois disponible. On n'a pas de Québécois à Montréal. Il faut aller chercher. Quitte, que peu importe le prix, il faut aller chercher. C'était ça, là, au début. Fait que Marc, il arrivait, il a tombé dans le panneau de la pression des médias pour aller chercher. Ouais. Mais tu sais, après ça, là, des gars que, tu sais, là, Chariot, là, il faut lui donner que même si, là, tu sais, il est pas méchant, là, c'est un bon joueur, puis Edmundson, il a fait une bonne job, puis l'échange à Pacioretty, je le referai demain matin encore. Il y a quand même eu un 2. Il y a Tatar qui a donné une coupe de saison. Puis il y a Suzuki qui est un bon à devenir. On peut regarder et dire bonne décision, mauvaise décision, bonne décision, mauvaise décision. Ouais. Mais moi, quand je regarde l'ensemble de l'œuvre, Moi, je trouve que Marc a quand même fait une bonne job. OK. Marc, si tu permets, on va faire une pause. Je veux te parler d'Alexander Ovechkin, puis je veux te parler de ce qui s'en vient en 2022. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année sur les ondes de danatosport.com. Question de Météo GBL. Profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL, qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini, au numéro de téléphone 418-276-6100. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service, où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On est de retour à danradiosport.com. Marc, Alexander Ovechkin, en 2022, il y a encore le petit dossier de la COVID, excusez-moi, je suis chèque, là, mais au rythme où ce qu'il va là, d'après moi, il va battre le record de facilement, hein. Ben pas facilement, ben, là, mais il va battre Gretzky. D'après moi, il va... Oui, si la tendance se maintient. Parce que là, il ne faut pas que tu oublies, Danny, que là, il tombe dans peut-être... Il a dépassé 35 ans, on s'entend là-dessus. Il n'est pas 36. T'sais, c'est sûr que là, les prochaines années, là, pour qu'il continue à performer... Il à la 41 ans, 42 ans. Oui, tu sais, là, il a encore une couple de saisons, ça va être plus tough. Là. Je dis pas... Moi, si j'aimerais ça en tabarouette, ça serait un exploit, moi, je pense, incroyable. Incroyable. Mais là, à 37, 38, 39, 40, qui continue à marquer 40 buts, admettons, ça va être un Christi de gros défi pour lui. Là. Alors, moi, je déjà là, même s'il ne l'atteint pas, là, qu'il soit encore capable de performer quand on connaît toutes les rumeurs qu'on a entendues sur sa vie personnelle et sur la vie sur la glace, comment ce gars-là est intense autant d'un côté comme de l'autre, qu'il continue à performer comme il fait là, c'est plus grand que nature. Là. Ouais, effectivement. Je souhaite, mais ça va être tard. Dans le hockey d'aujourd'hui, ça va être un record extraordinaire. Même le hockey du temps, là, qui se marquait plus de buts, probablement que son record est déjà battu. Oui, ouais, probablement. Les gars, à l'époque, ça scorait des Brettles scoraient 70 buts par année. Ou pas loin. on serait vraiment proche. Marc, tu prévois quoi pour 2022? Est-ce que là, ça va être le directeur général qu'on va être à vérifier? Écoute... Moi, je pense que je l'ai fait avec François Paquette hier. J'espère que ce soit... J'espère que si on choisit une femme, parce que ça va être, elle va être compétente, et non parce que ouais. Choisit une femme. Je pense, de toute évidence, ce ne sera pas Patrick Roy. Ça peut être Mathieu Darche. Ça peut être quelque part quelque chose d'autre. Tu prévois quoi, toi? Ben moi, là, j'aimerais ça prédire que le Canadien, il faudrait qu'ils fassent leur turnaround. Ils sont rendus là en tant qu'organisation. Ils prennent trop souvent des décisions monétaires pour la business. Puis c'est correct aussi, quelque part, là, c'est leur argent, puis c'est eux autres. Mais s'ils veulent redevenir une dynastie ou ils veulent redevenir une équipe compétitive, il va falloir que... Moi là, tous ceux qui ont de la valeur présentement, là, qui sont, mettons, dépassés d'un certain âge, là, t'essayes de les échanger si t'es capable, c'est le temps de le faire. Moi, là, je pense qu'il faut rebâtir cette organisation-là. Et tu t'assures de ton développement. Il faut que tu t'assures que ton deuxième étage, en premier, il faut que tu renforces ton deuxième étage parce que là, présentement, je trouve que c'est du n'importe quoi. Moi, j'en reviens pas encore une fois qu'on doive amener un comité pour aider à Gorton à trouver un directeur gérant. Je pensais que tu étais allé chercher justement un gars d'expérience qui pourrait faire ce travail-là, mais tu es obligé de y amener un comité pour l'aider. Ça me démontre que tu n'as pas vraiment confiance en ce gars-là. Là. Parce qu'on m'a dit, ça marche pas. Le deuxième étage, présentement, je le trouve trop faible. Oui, effectivement. Je partais pour dire que si tu veux être solide sur la glace, ou tu veux être solide au deuxième étage, présentement, sont pas assez solides. L'équipe qui est mon modèle, c'est mon équipe préférée dans le sport professionnel, tout sport confondu, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et puis regarde comment ça commence en haut, puis regarde comment ça finit. Exact. Au moment où on enregistre le reportage, les Bulls, c'est pas encore déterminé, la Ligue nationale est en pause. Les Bulls canadiennes, je sais pas si t'es comme moi, mais moi ça va être correct là. Si t'es pour faire ça, là, va, déménage le club aux États-Unis temporairement, puis je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis pas en désaccord avec ça. Moi, la bulle canadienne, je pense que le vécu, puis l'intérêt, c'était pas la même. Est-ce que les Canadiens pourraient faire comme les Blue Jays ont fait à un moment donné, sont allés jouer leur match? C'est sûr que t'as 8 clubs, à l'extérieur. C'est sûr que 7 clubs canadiens, tu peux pas faire comme les Blue Jays, comme les Raptors, mais essayer de trouver une solution, je sais pas. Mais moi, ça va être correct, la bulle canadienne, là. Oui, ben moi aussi. Mais tu sais, Danny, à un moment donné, quand tu n'as pas le choix, tu te dis, regarde, on est mieux pas d'hockey pantoute ou bien de trouver une solution. Tu sais, il y a tellement d'argent en jeu. Là, tu as les Lions et les Rockets. On fait quoi avec eux autres, là? T'sais, c'est une autre affaire, ça. Les équipes de la Ligue américaine. Puis la Ligue générale du Québec, il se passe quoi? Moi, je peux pas croire, Marc. C'est sûr que là, je veux pas t'emmener sur un terrain glissant pour toi, là. Mais je peux pas croire, moi, que les propriétaires la trouvent drôle, celle-là. Là. Un an, c'est correct, là. Mais 2 ans, là, regarde, à un moment donné, là, encore à huis clos, je peux pas croire. Oui, mais Danny, t'es dans un impasse, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, le monde, là... Apprennent à vivre avec la COVID, c'est pas compliqué, c'est ça la solution. Oui, je suis d'accord, mais il faut qu'en haut, ils te le permettent, ça, parce que là... Non, mais tu peux mettre de la pression à maudit, par exemple. Oui, mais d'après moi, la pression, ils en mettent. D'après moi, il doit y avoir des bonnes rencontres avec les ministres. Ça, mais tu sais, Danny, le monde, là, la première affaire, nous, là, on est des maniaques de sport. Ouais. Right? Nous, là, c'est quasiment une priorité dans notre vie, avec raison. Là, regarde, on aime ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, la majorité du monde, là, eux autres, ils doivent se dire, hey, il y a des vies en jeu, là. Le sport, laissez-moi faire, vous autres, le Canadien, avec ces riches-là, des riches qui veulent faire du sport, puis des riches qui veulent aller les regarder jouer au hockey. Puis, hey, on est en pandémie. Fait que c'est pas tout le monde qui pense comme nous, Danny. Ouais, parce que nous autres, on est tellement maniaques de notre sport qu'on serait prêt à tout sacrifier pour qu'on continue à avoir notre sport devant la télé. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tout ça, là. Mm. Puis ils ont raison aussi, là. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mm. Mais on sait une chose, c'est qu'on a une pandémie mondiale présentement, puis il y a des choses qu'on est obligé de mettre sur pause pour le bien-être de la vie du monde. Fait qu'on est rendu là. Mais regarde, c'est un débat où on peut être d'accord ou être contre, mais c'est la réalité présentement. Ouais. Regarde les Olympiques, là, il n'y a rien de plus gros dans le monde. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, tu vois-tu Sidney Crosby avec tout le protocole chinois? Tu vois-tu Sidney Crosby test positif puis passe 5 semaines en Chine? Oui, mais c'est ça. Mais toi, tu dis, tu comprends ça, mais tu comprends pas que la Ligue nationale, il ferait ça différemment. Ben, parce que, tu comprends-tu? Ton argument, il est bon, mais regarde, si là, tu es prêt... Le plus gros événement planétaire, t'es prêt à le mettre sur pause, toi. Mm. Bon, mais tu dois être d'accord pour dire que le hockey, ça se pourrait qu'on le mette sur pause aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est ça, là, le débat, Danny, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans cette situation-là. Puis l'affaire que je déplore le plus dans tout ça, moi, Danny, là, c'est que cette pandémie-là et nos gouvernements, malheureusement, divisent le peuple. Ça, c'est clair. C'est une des choses que... C'est une des choses les pires. Marc, on va te souhaiter joyeuses fêtes. Bonne année encore une fois. Merci beaucoup encore une fois d'être un de mes plus vieux collaborateurs. Donc, vous pouvez écouter Marc Fortier 2 fois. Je vous invite à l'écouter la semaine prochaine. C'est pas Marc, on a fait des grandes entrevues, un peu comme au 91-9, le fait. Puis Marc m'a dit en affaire, ça a été vraiment bon. Parce que pour les gens qui de la région, Marc Fortier, c'est un des 3 ou 5 meilleurs joueurs de l'histoire des Saguenay-Chicoutimi. Il a joué avec Wayne Gretzky puis il a ricouré, c'est quand même pas si pire. Ça, je dis à mon chum Junior Junot, Marc, ça se lise bien ça. Mettons que tu t'es invité à un détecteur de mensonges. Là, okay? Tu te rappelles de l'émission? Là? Ouais. Tu mets trois mantras. Tu mets. C'est quoi? C'est une, deux vérités, un mensonge? C'était ça le principe? Non, c'est deux, une vérité, deux mensonges. Une vérité, deux mensonges, OK? Tu dis, j'ai joué avec Wayne Gretzky et Yari Curry sur la même ligne. Ça se glisse bien, ça, dans... Non, c'est... deux vérités, ouais. Hein, c'est deux vérités, peu importe. Là, deux vérités, un mensonge, ça, ça se met bien, ça, hein? Ben, écoute, moi, je disais tout le temps en face quand je parle à des amis. Ouais. Tu sais, dans le temps qu'on allait à Cage au sport, il y avait toujours des questions pièges là-dedans. Fait que là, il disait « Qui suis-je? » Puis là, il sort plein d'affaires. Puis là, il donne trois choix de réponse, admettons. Fait que moi, si, admettons, quelqu'un, il dit, t'es assis au Cage au sport, puis sa télévision, il dit, j'ai joué avec Peter Stachny, Michel Goulet, Joe Sakic, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Yari Curry, Paul Coffey, Luc Robitaille, qui suis-je? Ouais. Il n'y a pas grand monde qui va dire, dans les choix de réponse, t'as Marc Fortier, Mario Lemieux, puis Simon Gagné, mettons. Mais il n'y a pas grand monde qui vont dire Marc Fortier, là. Mais c'est la chance que j'ai eue et le privilège et l'opportunité que j'ai eue dans ma carrière. C'était celle-là, puis aujourd'hui, c'est des beaux souvenirs pour moi. OK, Marc, on se ramasse beaucoup. On s'en reparle bientôt. OK, Danny, joyeuses fêtes à tout le monde.